Thank you. Thank you. Bravo, monsieur. Sida d'or. Le chien Sida. Salut Tiki. Thank you.

I'm going to go to the hospital.

La batterie s'est arrêtée.